One love. Message de paix. Message de respect. Senza umane. Lyric sen umane. Luxem. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything. Together we can go far. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything. Together we can go far. J'suis plus un berger, frère, j'suis pas d'humeur à suivre. J'ai des idées claires, faudrait choisir entre hell et peace. Entre mon côté droit et mon côté patate. Des fois sur la défense si j'mets toujours d'attaque. Si je le fais pas pour moi, c'est au moins pour les absents. La détermination, crac crac, j'suis dans les enceintes. C'est pour les petites chez moi et des alentours, la famille. Les proches, bref ceux qui m'entourent. Au détour, des détours, l'instru laisse tourner. Bagdad, patate, l'arabe qui vient vous retourner. Ta mère pleure, ta mère souffre pour toi. Quand tu te plains, fils, oublie pas grâce à qui t'as un toit. Un flot de brigands, j'suis pas à la rue, juste un de ses habitants. J'en suis fier, même si je veux pas que ma mère finisse là-dedans. Hey, j'suis pas gangsta, j'suis pas street, moi j'suis juste vrai. Quand j'rappe, mais c'est ça s'y ressent ainsi que mes refrains. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything. Together we can go far. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything. Together we can go far. On chante la paix, rappe le mal-être, nos joies et nos peines. La fierté d'un homme dépend de sa force ou de sa faiblesse. Je rappe avec le cœur, la tristesse des HLM, le métissage africain nous faut toujours en première page. La foi, la force, mis de côté à l'école. La rue s'enchaîne, sans tenir la haine purgée dans l'écorce. Ce qui nous fait tenir, c'est les liens qu'unissent un père et son fils, une mère et sa fille. Ou quand la foi s'affirme, se fige nos corps. Au moment de partir, réussir, défoncer les portes, bref, s'en sortir. One love à tous les pères travailleurs qui sont tués la santé pour pas qu'on vive dans la douleur. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything. Together we can go far. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything. Together we can go far. Message de fierté pour nos sœurs qui sont loin d'amis, j'tonnerie. Respecte leur mère, engueule leur frère quand ils font des conneries. Une sœur c'est une femme avant tout, mais une mère avant tout. Mais faut qu'elle se respecte avant tout. Dis-moi, dis-moi, que fais-tu de tes journées? Trouve un pigeon qui va t'aimer, que tu vas dépouiller. Non, tu vaux mieux que ça, fais pas la michto. Y'a pas de mérite à donner son poule pour un resto. Message de paix, message de respect. Jugement dernier, donc au final, chaque chose se paie. Prisonnier d'une vie à l'avenir incertain. Troupe, l'argent dirige ça, l'argent troupe. Pense à ta vie, donc sois femme et sois fort. Garde la foi, ça t'aidera à défoncer les portes. J'ai dit, pense à ta vie, donc sois femme et sois fort. Garde la foi, ça t'aidera à défoncer les portes. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything. Together we can go far. I was born in a gutter, trying to